ma beauté des îles. Ton nom rime avec sublime. Le soleil éclaire ta nuque. Je te caresse sur la butte. Le sale recours des doigts de pied. Je les découvre avec ma langue mouillée. La misère que veux-tu que j'y fasse? Mon ange ce soir, je t'embrasse. Toi et moi sur les rochers. Me donne envie de t'aimer. Jolie fente, ta peau sous mes doigts est bouillante. Nos parties de jambes en l'air sont la preuve du bonheur sur terre. Cet excitant bain de minuit se finira dans mon lit. La misère, je m'en fous, balèze. Mon ange ce soir, je te pèse. Toi et moi sur les rochers. Me donne envie de t'aimer. Mon amour, tu es si belle. Valise le soleil.